la voix qui me soit pas ma mère. Et voilà ma voix, harmonie sous la misère, bandeko. Au cas de mon amour, maman Théo, et bon bébé. Attaque mon amour, balina, coquille, pocanga, ma bocoté. La décider, la talisa, l'oua, et un boy, paille, à ma mama. Zoka et Zalaki. Na kolela nzambe o, ozangia papa.